Et tout d'abord, tous nos vœux au nom de toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, aux auditeurs et aux auditrices de France Culture et de notre émission en cette nouvelle année. Bonne année 2016 donc, une année que nous allons débuter en traitant d'une histoire sombre, celle des dictatures, que nous entamerons en deuxième partie de cette émission. Après un nouvel épisode de notre feuilleton sur la fabrique de la guerre froide, nous aurons le plaisir de recevoir en première partie de cette émission l'historienne Guillemette Crouzet qui a publié en septembre une imposante thèse sur l'histoire du golfe arabo-persique au cœur de l'actualité ce week-end, comme vous le savez. Mais là, elle parle du golfe arabo-persique au 19e siècle. Guillemette Crouzet est agrégée d'histoire, Max Weber Fellow à l'Institut universitaire de Florence et auteur d'une thèse donc sur le golfe persique à l'âge des impérialismes publiée chez Champvallon. Et en deuxième partie de cette émission, pour débuter notre semaine sur l'histoire des dictatures, nous aurons le plaisir de recevoir Manuel Pelloual, qui est professeur de civilisation espagnole à l'Université d'Angers, directrice des cahiers de civilisation espagnole contemporaine, spécialiste de l'histoire des idées politiques et auteur chez Inclinaison, une maison d'édition que je ne connaissais pas, de positionnement politique en temps de crise sur la réception du fascisme italien en Espagne 1922-1929. Mais comme tous les lundis, vous êtes nombreux à attendre le nouvel épisode de notre Fabrique de la guerre froide concocté par Anaïs Quien. Aujourd'hui, épisode 17, janvier 1947, la fuite de Pologne jusqu'en Grande-Bretagne de Stanislas Mikolajczyk avec Jean-Yves Potel, historien. We must remember that Australia, New Zealand and Canada President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Le 19 janvier 1947, le bloc démocratique mené par les communistes remporte 80% des voix aux élections législatives polonaises. Stanislas Mikołajczyk, leader du Parti paysan, est menacé d'arrestation par le nouveau pouvoir en place. Il trouve refuge à Londres et s'explique lors d'une conférence de presse. I was afraid also. Then, if they are sending me for death, some Poles could take revenge. That could bring some bloodshed, and I wanted to avoid this too. After all, I didn't want to be only a sheep. Il dit : je peux plus travailler, je peux plus rien faire. C'est pour ça que je suis parti. C'est cette façon de dire : je ne peux plus travailler. And I got also the news. After that, there will be a trial. Il sent son impuissance, son impossibilité de faire quelque chose. Jean-Yves Potel. On voit le visage de Mikołajczyk quand il revient de Pologne. Il a fui la Pologne. Il a vécu une situation terrible et il a peur, que, y compris pour sa propre personne, donc il est parti. Au lendemain des élections de 1947, qui ont été truquées et qui surtout ont été précédées d'une campagne extrêmement violente contre les membres de son parti, qui était la dernière opposition démocratique au bloc communiste qui s'était mis en place à partir du gouvernement de Lublin en juillet 1944 et qui petit à petit a contrôlé l'ensemble de la situation politique à travers toute une série de manipulations. C'est le dirigeant d'un parti centre-gauche, parti paysan, polonais, qui était très fort avant la guerre, qui a une importance assez grande dans la résistance polonaise, et qui dirige le gouvernement de Londres, qui est le gouvernement en exil, le gouvernement légitime polonais en exil, qui a quitté la Pologne en septembre 1939, qui, via la France, s'est installé à Londres. C'est en 1943 qu'il est devenu le chef de ce gouvernement. Mikołajczyk est aussi à la tête d'un mouvement de résistance très puissant qui s'est reconstitué à partir de 1943, qu'on va appeler l'armée de l'intérieur, l'AKA. Et il va être pris dans une espèce de tenaille avec d'un côté Churchill et Roosevelt ensuite qui vont le pousser à un accord avec Staline, et de l'autre côté Staline qui veut limiter ses possibilités d'expression et qui veut au contraire contrôler la zone qu'il libère. Et qui est très attaché, Staline, à la frontière est de la Pologne, c'est-à-dire maintenir les frontières du pacte germano-soviétique de 1939, les frontières qui sont les frontières actuelles de la Pologne, c'est-à-dire occuper la zone ukrainienne, biélorusse et la Lituanie, la mettre sous contrôle soviétique. Et donc c'est ça l'enjeu. Et ils vont passer un accord tacite comme quoi ils se battent contre les Allemands avec l'armée rouge. Et il va y avoir la libération de plusieurs villes, notamment la ville de Lviv ou Lvov, et les villes de l'Est. Et à chaque fois que cette libération est accomplie, qu'est-ce que font les Soviétiques ? Le NKVD qui est dans les valises de la... Le NKVD, c'est une armée qui est dans les valises de l'armée rouge, arrête aussitôt les dirigeants locaux et met à la place leurs hommes. On a une situation absolument tragique. Par exemple, en août 1944, quand commence l'insurrection de Varsovie, Mikołajczyk va à Moscou et négocie, sous l'insistance de Churchill, avec Staline. Et ils se mettent d'accord pour... soi-disant faire des élections libres et faire un gouvernement de coalition entre le gouvernement de Londres et le gouvernement de Lublin qui avait mis en place l'armée rouge. Donc, un compromis avait été fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où a lieu cette négociation avec Staline, l'été 44, à Moscou, avec Mikołajczyk, vous avez à Varsovie l'insurrection qui est écrasée par les Allemands devant la passivité soviétique. Staline refuse que, par exemple, les aviateurs polonais qui sont du côté des Alliés puissent venir aider leurs frères à Varsovie. Ils bloquent les régiments de l'AK qui veulent rejoindre Varsovie. Donc, il y a ça d'un côté. Et à Moscou même, commence un procès absolument incroyable, qu'un procès truqué des dirigeants de l'AK qui ont été arrêtés à Varsovie par le NKVD. Et ils vont tous être condamnés à des années de goulag. Et donc c'est dans ce contexte-là que Mikołajczyk va quand même accepter de signer un accord pour former un gouvernement, disons provisoire, et qui préparera les élections. Elles vont avoir lieu, mais dans un climat absolument épouvantable, avec une tension sociale et militaire dans le pays même qui est liée à cette situation, et toute une série de manœuvres qui vont être organisées par les soviétiques. Et ces élections, elles ont lieu en janvier 1947. En Pologne, le Parti communiste était un parti marginal, totalement marginal. Et la grande résistance polonaise, elle était dominée essentiellement par des démocrates, des socialistes et des catholiques. Il y avait même des courants nationalistes. Il y avait toutes sortes de courants, mais c'était un pays qui devait sortir avec un paysage politique qui aurait été, disons, centre-gauche plutôt que pro-soviétique. Et ça, il n'en voulait pas, Staline. Ils ont arrêté les dirigeants du parti agrarien de Mikołajczyk, ils ont interdit des réunions, et en même temps, ils avaient manipulé toute une série de choses dans tous les partis, qui fait que lorsque ont lieu ce résultat, il n'a à peu près que 10% des voix pour Mikołajczyk et le reste 80% pour le bloc qui a été construit par les communistes. Et c'est au lendemain de ces élections qu'il part à Londres. Qu'il s'enfuit. Il s'enfuit parce qu'il il sent très bien qu'il va être arrêté. Donc le personnage de Mikołajczyk, c'est quelqu'un qui, en fait, incarne à ce moment-là, dans cette tristesse et dans ce discours, il incarne en fait la défaite de la Pologne démocratique face à la mise en place du régime communiste au sortir de la guerre. Et c'est un acte de guerre froide, c'est la manière dont ont eu lieu ces élections. Je vous rappelle que cet épisode, le 17e de notre série La Fabrique de la Guerre Froide, concoctée par Anaïs Quin et Séverine Cassard, eh bien, peut être téléchargé séparément des autres émissions et en particulier de celle du jour pour garder avec vous l'ensemble de cette série et de ce feuilleton sur La Fabrique de la Guerre Froide. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Et bonjour à vous Guillemette Crouzet. Bonjour. Alors quand on vous a invité, on ne savait pas que ce week-end, la tension serait à son comble entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et pourtant, eh bien, votre livre qui s'intitule « Genèse du Moyen-Orient, le Golfe Persique à l'âge des impérialismes » avec une préface de Christopher Bailey publiée chez Champvallon au mois de septembre, éclaire de façon très importante ce qui vient de se passer puisque vous vous centrez sur cet espace géographique qu'on appelle le Golfe Arabo-Persique. Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce Moyen-Orient dont on parle beaucoup en ce moment, s'invente tout au long d'un très long 19e siècle. Et j'ai essayé aussi de prendre le contre-pied un peu d'une historiographie qui prétend que c'est uniquement une invention occidentale, notamment dans la tête à l'aube du 20e siècle de l'amiral Alfred Thayer Mahan, quand il théorise pas mal de choses sur la puissance en fait navale et militaire. Et il y a aussi Valentine Sherrill dont je parle dans le livre, mais de montrer en fait que ce Moyen-Orient, il faut le comprendre dès le 19e siècle comme en fait inventé dans le cadre de l'expansion de ce qui est en fait la plus grande puissance dans la zone, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en fait un empire dans l'empire qui est l'empire des Indes. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement vous renversez les problématiques, vous montrez dans votre livre, très beau livre chez Champvallon, très long aussi il faut le dire, très dense il faut le dire aussi, vous montrez combien en fait ça n'est pas de Londres que tout se décide mais que c'est souvent et la plupart du temps de Bombay que tout se décide et qu'en fait c'est à l'intérieur de cet immense empire britannique, empire maritime en particulier, que eh bien les gouverneurs généraux qui sont en place à Bombay vont réfléchir à cette idée de sécuriser cet espace indien pour, dans l'empire britannique en faisant en sorte que ses pourtours, ses marges et le golfe arabo-persique fait partie de ces marges, soient justement des endroits sécurs pour la navigation britannique en particulier et le commerce britannique, Guillemette Crozet. Oui, en fait, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est cette indépendance d'un empire des Indes qui agit comme une entité politique indépendante et qui se lance tout au long du 19e siècle, après qu'il y ait eu, en fait, tout au cours du 18e siècle, une phase de conquête intense dans le sous-continent, qui se lance à la conquête de territoires à la fois enfin, terrestres et maritimes. Et le Golfe, d'abord, est en fait conçu par la présidence de Bombay comme, en fait, une extension maritime de ces territoires. Et effectivement, il y a une sorte d'obsession tout au long du 19e siècle, de la part des gouverneurs, des présidences indiennes, hein, qui agissent, et j'ai aussi voulu en rendre compte dans le livre, hein, comme vraiment des personnages indépendants. Il y aura vraiment des personnages extrêmement marquants, comme Lord Wellesley, comme Lord Minto, Lord Curzon, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui ont une obsession, c'est protéger ce formidable empire. Et en fait, j'ai voulu montrer dans le livre aussi toutes les synchronies de la construction de marge d'un empire, en fait, qui se voulait sécuriser du Cap à la Birmanie, en passant par le Golfe et en passant aussi par des territoires en Asie du Sud-Est. Anaïs Kien. Oui, vous embrassez ce large espace à la fois administratif, commercial et représentatif, enfin, qui relève de la construction des représentations qu'on a du Moyen-Orient aujourd'hui, Guillemette Crozet. Et en même temps, vous soulignez à quel point ces installations, ces constructions sont discontinues de la part de l'Empire britannique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une appropriation diffuse de l'espace, mais qu'on s'empare seulement de ce qui nous intéresse stratégiquement. Et donc, à ces endroits-là, on crée finalement des frontières un peu molles, ou des frontières au contraire très rigides, qui vont déterminer la suite de cette histoire, justement. En fait, le Golfe, c'est effectivement, d'abord, c'est une marge un peu floue, qui est décrite et imaginée, pensée comme peuplée de pirates, comme peuplée de ces groupes que les Britanniques appellent alors les tribus. De tous ces ennemis de l'extérieur. En fait, que l'on veut repousser. Donc là, il y a une sorte d'imaginaire de la frontière, de la marche qui est vraiment intéressant. Il se développe alors dans la structuration de l'impérialisme cette volonté aussi d'aller civiliser, d'aller pacifier aussi cette marge. Mais donc ça, c'est tout l'idéal aussi d'un impérialisme qui veut aussi apporter ce qu'il pense être le progrès. Mais après, au cours du 19e siècle, la marge s'autonomise, elle gagne en structuration et elle est aussi en fait le Golfe. Cette sphère plastique est en fait un formidable espace riche de potentialités avec des projets. Par le Golfe, on veut connecter en fait les Indes avec l'Europe et on veut en faire cet espace riche de 1000 potentialités en y apportant la vapeur et en faisant renaître un peu de cette prospérité que les Britanniques imaginent en fait dans cet espace-temps qui est aussi la Mésopotamie, qui est un espace biblique, un espace aussi qui remonte au temps prospère en fait de la Mésopotamie antique. Oui, mais voilà, ce que vous racontez très bien dans votre livre sur la jeunesse du Moyen-Orient, et Guillemette Crozet, c'est que, en fait, entre 1780 et 1914, les Britanniques ne sont pas seuls dans cet espace-là. Alors, il y a l'Empire perse, il y a tout ce désordre de petits états arabes commerçants sur la côte justement de l'Arabie qu'on appelle l'Arabie Saoudite ou la péninsule arabique aujourd'hui. Il y a les Français aussi qui veulent venir avoir leur partition à jouer et en particulier à partir de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Et vous racontez très bien comment en fait cette installation et cette progression des Britanniques dans ce golfe arabo-persique est aussi une volonté de contenir ses ennemis potentiels à l'intérieur d'un espace qu'ils ne veulent pas voir récupéré par ces ennemis-là, justement. Oui, je crois que c'est vraiment fondamental parce qu'il y a l'obsession de protéger les Indes. Et en fait, du coup, tout au long du 19e siècle, il y a une construction de l'impérialisme, une justification d'un impérialisme qui est aussi par moments une ultra-violence par cette idée que l'Empire des Indes est menacé. Donc d'abord, c'est les Français, c'est cette obsession pour Bonaparte et ses projets dans l'océan Indien et sur les Indes, avec vraiment une peur complètement fantasmée, parce qu'à partir du moment où les Français sont aux Indes, pour les Britanniques, sont aux Indes et aussi en Égypte, tout devient possible, en fait. Mmh. Et ça continue sur tout le 19e siècle. Il y a les Russes aussi. Et puis, il y aura, en fait, les Français, lorsqu'ils font leur retour en Oman à la fin du 19e siècle, à nouveau, en fait, cette forme de grande peur, et surtout, une grande peur qui devient très réelle, en fait, à la veille de 14, c'est bien sûr les Allemands. Et puis, tous les petits États, mais même ceux qui ne sont pas des États, on découvre ces pirates inventés, on pourrait presque dire par les Britanniques eux-mêmes, ceux qui, avec leurs petits boutres sur la mer, justement, du Golfe Arabo, la mer d'Oman, par exemple, eh bien, menacent la sécurité du commerce. Et donc, les premières opérations militaires maritimes des Britanniques en 1809 et 1819 vont justement être celles qui vont tenter de mettre fin à cette piraterie. Vous expliquez bien qu'effectivement, dans le terme de piraterie, eh bien, il y a bien d'autres choses que ce que peuvent entendre les Britanniques à l'époque, Guillemette Crozet. Oui, je crois que c'est très compliqué ce thème de la piraterie. Moi, c'est ce que j'ai essayé d'en rendre compte. Pour moi, il y a eu une sorte d'invention de la piraterie dans le Golfe qui va permettre de justifier, en fait, les débuts véritables de l'impérialisme britannique. Donc, ça commence en 1809 avec une formidable intervention très violente, armée. Il y a plus de 1000 soldats dits européens, plus de 2000 sipahis qui rentrent dans le Golfe en octobre 1809, bombardent Ras El Khaimah. Alors, il faut dire qu'il y a quelques arabes du coin qui ont attaqué des bateaux britanniques. Ces pirates sont les habitants, finalement. Voilà. Oui, c'est ça. Ils ont découpé les têtes de certains des membres des équipages. Ils ont crié à Allahu Akbar. Ils ont dit qu'ils allaient convertir ceux qui étaient survivants à l'islam. Et donc, les Britanniques prennent ce prétexte-là pour pouvoir intervenir. C'est un prétexte, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est une construction rhétorique et un imaginaire, en fait. Et on a dans les sources la construction de ces habitants du Golfe, particulièrement ceux de la cité de Ras El Khaimah, les Kazimi, qui sont décrits comme des pirates. Et donc, il y a toute cette construction imaginaire. Alors que vous dites, ils sont peut-être simplement un État en expansion, région. Oui, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a eu de la violence, très difficile à dire, est-ce qu'il y a eu de la violence sur mer, potentiellement, parce qu'il y a effectivement beaucoup de rivalité entre les différentes puissances, entre le sultanat d'Oman, entre Bahreïn, entre cet État en expansion, entre ces Kazimi qui sont des rouliers des mers essentiellement. Mais de là à dire qu'ils étaient pirates, il y a là une sorte d'erreur, d'interprétation de ce qui était en fait des sociétés fondamentalement maritimes. Anaïs Kien. Et Guillemette Crozet, comment raconter peut-être du point de vue de ces faux pirates, de ces habitants, cette histoire que vous nous proposez? C'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, avec ce problème qu'il n'y a pas de source vraiment locale et que les seules sources sur lesquelles on s'appuie, c'est celle de la puissance britannique. Mais c'est effectivement d'écrire une histoire qui soit un peu subalterne, en montrant que ces prétendus pirates, ces habitants du Golfe, ont été en quelque sorte déboucés émissaires d'Empire. Ils sont peut-être les premières victimes de cette grande rivalité franco-britannique qui se joue en fait dans la suite des guerres napoléoniennes extra-européennes. Alors, vous insistez beaucoup sur l'importance de cette fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et donc en repoussant plus loin peut-être cet intérêt britannique pour la région du Golfe, qu'on avait l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Et vous expliquez que parmi les moyens que mettent en place justement les responsables de ce sous-continent indien britannique, il y a l'envoi de nombreux cartographes, de nombreux géographes qui vont planifier, c'est le cas de le dire, pourrait-on dire, l'arrivée des troupes britanniques dans la région, l'arrivée des commerçants britanniques aussi, puisque le rôle de l'East India Company est très important et vous insistez dessus. D'abord en lançant des opérations dans le sud du Golfe, ensuite dans la Mésopotamie en remontant jusqu'à jusqu'à Alexandrette, dites-vous. Ça, c'est dans la période 1835-1860. Et puis, à partir de 1871, ce qu'on appelle l'Upper Gulf pour les Britanniques. Donc, en cartographiant toute la région, toute cette région qui va devenir donc le Middle East, le Moyen-Orient. C'est vraiment quelque chose que, dont j'ai voulu rendre compte dans le livre. C'est en fait ces aventuriers que sont ces surveilleurs, ces cartographes qui se lancent dans ce qui est une entreprise de conquête, parce que la carte et l'entreprise cartographique est un outil de l'impérialisme. Et en fait, ils inventent d'abord cet espace qu'est le Golfe, dans les frontières qu'il conçoit, qu'il détermine, et ensuite de cet espace qui va s'autonomiser autour, qui est effectivement le Moyen-Orient. Et donc, on voit bien, en fait, à travers les différentes phases de survey, aussi de cartographie, les différentes phases de conquête du Golfe. D'abord, en fait, la zone du détroit d'Ormuz, le sud du Golfe, qu'il faut d'abord sécuriser aussi pour des raisons de commerce, pour laisser la navigation ouverte avec les Indes, et puis après, progressivement, en fait, tous ces hommes, que ça soit le colonel Chenet en Mésopotamie, qui descend, l'Euphrate sur un radeau et qui effectue un certain nombre de relevés à d'autres cartographes qui sont envoyés depuis les Indes par Calcutta et Bombay. Et cet espace qu'on va parcourir avec des géographes, des cartographes, des commerçants, il va falloir le définir, et on va le définir comme un espace de l'entre-deux, dites-vous, Guillemette Crouzet, et c'est comme cela que tout compte fait va naître le Middle East. Oui, pour moi, c'est ça que j'ai voulu fondamental dans le livre, c'est aussi donner une autre vision du Moyen-Orient et de montrer que ce qui s'invente aux Indes, c'est aussi en fait un espace qui est un espace de positivité, un espace de l'entre-deux. Il est entre Orient et Occident, il est entre Méditerranée et Océan Indien, et c'est un espace qui est riche de mille potentialités. C'est-à-dire que cette marche, cet espace flou, qui était en fait un espace un peu rejeté, avec une connotation très négative, avec ses pirates, cet enfer sur Terre, va devenir un espace de mille potentialités. Convoité. Convoité, très convoité, à la fois par les Français, surtout aussi par les Allemands, où viennent, à la fin du 19e siècle, des aventuriers chercher fortune dans le trafic d'armes, dans la pêche perlière, où viennent aussi les représentants... On se souvient de Rimbaud. Voilà, il y a des petits Rimbaud, on peut dire, et qui va devenir en fait cet espace où les Britanniques rêvent de voir renaître en fait le jardin d'Éden, qu'ils situent dans la zone de la Mésopotamie. Et de cet empire qui se concevait comme le dernier empire sur Terre, sera celui qui fera renaître en fait le jardin d'Éden. Anaïs Kien. Oui, puis on voit le potentiel, la potentialité fantasmagorique de cette dénomination d'entre-deux et de recherche du jardin d'Éden. Oui, c'est vraiment un espace qui est rêvé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le changement dans les représentations. Et Espace qui est rêvé, mais aussi un espace auquel on refuse finalement de la réalité. On refuse de reconnaître ce qui est. Et je sais pas, est-ce que on le refuse ou en fait on lui donne aussi parce que l'on croit être les moyens techniques, c'est-à-dire la vapeur par exemple ou les projets d'irrigation qu'il y a en Mésopotamie, on veut en fait lui donner une sorte de potentialité en fait formidable. Et c'est aussi en lui rendant ses... Au territoire, mais pas aux hommes, c'est ça que j'entends par ce refus. Oui, non, parce qu'en fait, l'impérialisme reste en cela, en fait, une structure qui est très légère. Donc, en fait, c'est vraiment le territoire qui compte avant que les hommes puissent compter. Mais en même temps, on veut le laisser ouvert, on veut en faire une grande voie de navigation pour permettre, en fait, aux aventuriers, aux commerçants, de pouvoir en fait venir et chercher une sorte de fortune. C'est ça qui est très riche dans votre travail, Guillemette Crouzet, c'est ce mélange entre imaginaire de la colonisation et de l'impérialisme, réalité de cette colonisation et de cet impérialisme, et puis aussi toute la question de ces références à l'Ancien Testament qui sont permanentes, dites-vous, chez les Britanniques. Ça doit être permanent aussi chez les autres populations qui veulent mettre la main sur la région. J'imagine que les Français doivent l'avoir également. Et vous nous expliquez combien, justement, toute cette imaginaire de l'Ancien Testament nourrit considérablement la volonté des Britanniques de rester sur place, de s'y installer, même de façon légère, mais d'avoir cette place dans cette région-là. Oui, il y a constamment, en fait, la référence à l'Ancien Testament, mais je crois qu'il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y a, en fait, dans la lignée d'un certain nombre d'écrits au cours du 19e siècle, en fait, cette idée que les empires se succèdent sur Terre et que l'Empire britannique est, en fait, le dernier empire sur Terre. Il vient après l'Empire d'Alexandre et d'autres qui l'ont précédé. Il vient après l'Empire romain, mais il est le seul... Les Assyriens, etc. Mais il est le seul destiné à durer parce qu'il est le seul qui arrivera à faire renaître en fait cette prospérité. Et alors donc il y a toute cette dimension à la fois imaginaire et réelle de cette question du Golfe. Et puis il y a aussi l'idée, et ça j'ai été très surpris effectivement, que ce Golfe est important bien avant le pétrole. Et cela, c'est très intéressant parce que on dit généralement, et j'imagine que Laurence Darabi a beaucoup servi à cela, que l'intérêt britannique pour le partage de cette région, pour le découpage de cette région, vient de l'intérêt pour le pétrole. Et en fait, vous nous montrez que les perles, le commerce, le poisson séché, tout un tas, les soieries, tout un tas de les dates, puisqu'il y a tout un chapitre consacré à la question des dates, sont aussi importants pour les Britanniques au 19e siècle que pourrait être le pétrole au 20e. Oui, moi, c'est en fait cette profondeur historiographique dont j'ai voulu rendre compte. Et s'ajoute à justement ces potentialités aussi commerciales. Bon, bien évidemment, le fait que c'est une zone qui protège les Indes. Mais aussi, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est une voie de navigation et de connexion qui est parallèle et qui est alternative à celle de la mer Rouge et ensuite du canal de Suez. Donc il faut laisser ouverte, d'où les grands projets en fait de connexion par la vapeur et par les steamers à vapeur et ensuite par le chemin de fer, en fait, d'en faire une voie qui alternative, qui puisse connecter en fait l'Europe, la Méditerranée avec en fait les Indes et l'océan Indien. C'est vraiment un projet de world history, d'histoire globale que vous avez, oui. Ou d'histoire mondiale, je ne sais pas comment on peut dire. Peut-être de global history, moi, c'est ce que j'ai voulu voir. Et puis, en fait, de regarder ce Moyen-Orient, en fait, cette fois-ci, en fait, par l'Ouest, et intégré dans un plus vaste espace. Parce que pour moi, si on ne peut pas le comprendre, ces frontières, en fait, qui sont eurocentrées, qui témoignent, en fait, d'une invention eurocentrée d'un espace, ne peuvent, en fait, se comprendre dans leur invention que si... On les comprend, en fait, dans le cadre de l'expansion de l'Empire des Indes. Donc, pour moi, c'est à Calcutta, c'est à Bombay, en fait, et c'est dans l'esprit et l'imaginaire, en fait, de ces hommes qui, depuis le XVIIe siècle, s'étaient lancés à la conquête, en fait, du sous-continent indien et de l'Asie du Sud, qui ont inventé ce Moyen-Orient. Oui, mais c'est tout à fait intéressant de voir, après la parution, par exemple, du livre de Christophe Picard sur la mer des Arabes, qui nous raconte combien, justement, eh bien, la Méditerranée n'est pas la mer pour les, en particulier, les caïfs de Bagdad, au tout début de l'expansion de l'islam, mais que la mer pour ces califes de Bagdad, c'est justement l'océan Indien. C'est intéressant de voir comment les Britanniques, sans le savoir peut-être, ont repris cette idée qu'effectivement, pour cet espace géographique, l'océan Indien était plus naturellement un débouché que la Méditerranée, en l'occurrence, guillemets croisés. Déjà, en fait, d'un point de vue géographique, le Golfe est une mer épicontinentale de l'océan Indien. Et c'est vraiment un monde de connexion, un monde de réseaux marchands dans lesquels s'insèrent les Britanniques. Hein. Par exemple, le commerce des perles dont vous parliez ou des dates, il faut le comprendre dans l'insertion de ce formidable espace qu'est l'océan Indien, qui a une profondeur immense qui s'étend en fait jusqu'à la mer de Chine. Et les Britanniques s'insèrent très bien là-dedans. Et en fait, l'impérialisme, si on regarde juste le Golfe, en fait, est une sorte de superstructure qui ne sera jamais une hégémonie et qui, en fait, intègre tous ces réseaux qui continuent de préexister, même si dans le cadre du trafic d'esclaves, par exemple, les Britanniques tentent d'y mettre fin. Mmh. Mais tous ces trafics légaux, illégaux, tous ces commerces, tous ces réseaux, en fait, perdurent, se transforment. En fait, il y a des résistances de l'espace. Oui, et des résistances des hommes aussi, parce que ce qu'on découvre en vous lisant, c'est la richesse absolue de cet espace géographique, alors qu'elle était considérée par les Britanniques avant qu'ils y mettent le pied, comme étant un non-espace, expliquez-vous. Or, vous montrez combien les bateaux circulent d'un côté et de l'autre du détroit d'Ormuz, qu'ils vont d'une rive de la rive arabe à la rive perse sans aucun problème, que les commerçants sont installés partout et qu'au bout du compte, eh bien, cet espace géographique est un espace d'une richesse incroyable. On pourrait presque faire un film d'ailleurs avec ce que vous racontez, Guillemette Crouzet. Oui, moi c'est ce dont j'ai voulu rendre compte, c'est que tout au long du 19e siècle, c'est un monde maritime qui est fait de connexions, véritablement. Effectivement, on passe de la rive perse à la rive arabe. Il y a tous ces réseaux marchands qui ont une véritable profondeur, qui, en fait, remontent jusque, en fait, aux zones de l'Empire ottoman et de l'Asie, beaucoup plus aussi avec des connexions avec la péninsule arabique, avec la corne de l'Afrique et ses trafiquants d'esclaves, ses pêcheurs de perles. Et, en fait, après, ce que j'ai appelé aussi ces encounters, c'est-à-dire, en fait, comment les populations du Golfe travaillent, en fait, avec les Britanniques. Oui, se mêlent, et en fait avec ces aventuriers aussi qui s'intègrent dans ces réseaux parce qu'ils viennent y chercher fortune pour acheter les perles ou pour parce qu'ils tirent aussi de fortune de ces trafics, notamment du trafic d'armes. On sait combien effectivement la question des passeurs quand on s'intéresse à l'histoire globale est une question importante et intéressante, et donc tous ceux qui voudront comprendre ce qui se passe ces temps-ci au Moyen-Orient ont grand intérêt à vous lire, donc dans Genèse du Moyen-Orient et en particulier ce conflit en train de naître peut-être entre l'Arabie Saoudite et l'Iran après les manifestations de ce week-end. Eh bien, Genèse du Moyen-Orient, signé Guillemette Crouzet, le Golfe Persique à l'âge des impérialismes, vers 1800, vers 1914, avec une très belle préface de Christopher Bailey. C'est publié chez Champvallon dans la collection Époque. Merci à vous, Guillemette Crouzet. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et en deuxième partie de cette émission, pour nous introduire à notre sujet de la semaine, à savoir l'histoire des dictatures, bonjour Manuel Peloual. Bonjour. Pour votre positionnement politique en temps de crise, c'est aussi votre thèse, je crois, c'est ça ? C'est exact, oui. Sur la réception du fascisme italien en Espagne entre 1922 et 1929, publié dans une petite maison d'édition que je ne connaissais pas, qui s'appelle Inclinaison. Et donc, vous êtes spécialiste d'histoire et de littérature espagnole, et vous vous êtes intéressé à quelque chose que, effectivement, est généralement négligé, là aussi, par beaucoup d'historiens, à savoir l'influence d'idées politiques, celle du fascisme naissant en Italie, sur la politique et la vision qu'on en a dans l'Espagne du début des années 20, et vous vous arrêtez avant justement des développements postérieurs, en particulier Primo de Rivera. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce moment? Pourquoi avoir choisi ce moment d'abord, et puis surtout de cette idée qu'il y avait peut-être là une façon de comprendre mieux l'Espagne et la différence entre l'Espagne et l'Italie dans ces dictatures des années 30, par exemple? Bon, alors j'avais choisi cette période qui est assez courte comme point d'observation de débat d'idées entre les deux guerres mondiales, et je tenais justement à me situer en amont de la République et de la guerre civile qui ont beaucoup intéressé les Français, et je me situe à une période qui est donc la fin de la Restauration. Alors la Restauration, oui, parce que une période qu'on connaît effectivement très mal. Il y a un trou historiographique en général, bon, dans la culture générale française, où l'Espagne disparaît au XIXe siècle et ressurgit au moment de la guerre d'Espagne. Oui, alors c'est vrai que les travaux d'hispanistes sur le XIXe, par exemple de Jean-René M, de Claude Morange, mériteraient d'être plus connus. Il y a effectivement un trou pour le XIXe siècle, et cette restauration qui couvre quand même une cinquantaine d'années, c'est-à-dire que la restauration intervient en 1875, après 6 ans d'expérimentation progressiste, et elle dure jusqu'à 1923, qui est l'année du coup d'État du général Miguel Primo de Rivera, hein, qui est le père du fondateur de la Falange. Cette période-là, elle est très importante, et les Anglais, les Américains, les Espagnols ne s'y sont pas trompés. En France, cette période a été étudiée, mais souvent par le biais de l'histoire culturelle, par le biais de la presse. Ou l'histoire économique. Par exemple, Albert Broder, les travaux d'Albert Broder sont des références, c'est exact. Et donc, c'est une période qui est très importante parce que c'est une stabilisation du régime bourgeois libéral. C'est donc une période très importante. Alors, c'est vrai, il y a le choc de 1898. Avec la perte des colonies. Des dernières colonies. Lord Salisbury, le mot fameux des nations moribondes, hein, appliqué à l'Espagne. Oui, mais on a tendance souvent à surévaluer ce choc symbolique parce que la perte des dernières colonies induit un rebond économique. En 1900, il y a pour la première fois depuis très longtemps, les finances sont remises à l'aplomb, et il y a rapatriement des capitaux de Cuba qui étaient considérables. Et ce rapatriement fait qu'il y a investissement dans l'industrie, dans la banque, et que donc il y a un développement, et je vais employer un gros mot, et il y a avec ce développement économique de l'industrie, il y a le développement aussi de classes modernes. Et puis aussi, avec la Première Guerre mondiale, vous expliquez bien combien, effectivement, ces capitaux réinvestis en Espagne vont permettre à l'Espagne de fournir à d'autres nations belligérantes des biens de consommation, des biens aussi matériels qui vont faire la prospérité de l'Espagne pendant la Première Guerre mondiale aussi. Pendant 2 ans, c'est très court. Alors, je suis intarissable quand je suis parti, mais c'est important ce développement de l'industrie, puisqu'on a un premier mouvement. Hispano Suiza, par exemple, est créé en 1904. Oui. Hein. Bon, et 1914, alors c'est 1915-1916, c'est très très court, hein, cette période pendant laquelle il y a accumulation de numéraires, effectivement. Mais qu'est-ce qui va se passer aussi, et j'en finis avec la restauration, mais c'est important, c'est que parallèlement à cela, vous avez le développement d'organisations populaires, anarchistes et socialistes, qui commencent à prendre de l'importance, et le développement de forces politiques qui défendent un projet national pour la Catalogne et pour le Pays Basque, notamment aussi pour l'Andalousie un peu plus tard, avec Blas Infante. Et donc, d'ailleurs le coup d'État de 1923 sera relativement facile et peu sanglant. Oui, mais alors, pourquoi ? Parce que le problème était résolu. C'est-à-dire que, en 1917. Le problème étant les forces progressistes. Oui. Voilà. Non, mais en 1917, vous avez une révolution, vous avez une répression qui se met en place, de 17 à 22. Et en 1922, à la veille du coup d'État de Primo de Rivera, vous avez, en gros, le travail de répression qui a été terrible, hein, avec ces événements de Barcelone, notamment, hein, qui ont fait l'objet de nombreux romans et de travaux d'historiens. Il y a des milices civiles. Il y a l'armée qui réprime, et donc le travail de répression il est fait. C'est pour ça que le coup d'État de 23 en fait se fait, même quand on regarde les intellectuels progressistes, au fond ça se fait très calmement, il n'y a pas de réaction violente. Et entre temps, 1922 c'est aussi l'arrivée des fascistes et de Mussolini au pouvoir en Italie, et donc tout votre travail, Manuel Peloual, c'est de comprendre comment ce qui se passe en Italie a des répercussions dans le domaine des idées dans l'Espagne des années 20, puisque vous arrêtez votre travail en 1929. Et là, c'est effectivement un travail d'histoire intellectuelle extrêmement important et intéressant que celui que vous avez mené, puisque à travers des récits, à travers des romans, à travers surtout les journaux de l'époque, vous racontez comment, eh bien, on perçoit l'expérience italienne. Vous dites, y compris les milieux libéraux sont pas très choqués jusqu'en 1925 par ce qui se passe en Italie. On est même plutôt satisfait par ce qui est en train d'être mise en place. On se dit tout compte fait que la légalité va revenir en Italie et que c'est juste une mauvaise passe, un moment un peu difficile qu'il faut vivre pour l'Italie avant de revenir à la légalité. Et à partir de 1925, on va s'apercevoir que ça n'est pas tout à fait le cas, Manuel Peloual. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, mon propos n'est pas du tout de critiquer la figure de l'intellectuel, mais au contraire de voir les aveuglements possibles. Et à cette époque-là, il y a quelques exceptions, comme Gabriel Alomar, comme José Pla, qui comprennent la nature du fascisme. Et l'argument qu'on oppose parfois, c'est on ne savait pas. Il y avait des dépêches qui tombaient tous les jours avec un tel a été assassiné, tel siège a été saccagé, donc on savait dans les journaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité espagnole, cet intérêt pour le fascisme premiers temps. Oui, ça a été. Ce qu'on remarque, c'est que l'Espagne n'est pas différente. Elle est en prise avec les débats qu'on pouvait trouver dans la presse belge, dans la presse française, dans la presse anglaise. Elle est tout à fait en prise. Effectivement, la position des intellectuels qu'on dirait progressistes est une position beaucoup plus ambiguë que celle que l'on a donnée, que l'on a indiqué a posteriori. Et on peut même, comme José Ortega y Gasset, par exemple, critiquer le fascisme italien, mais en même temps considérer que tout compte fait qu'il y ait une minorité agissante prenne le pas sur une masse qui, elle, a été façonnée par cette minorité agissante. Dites-vous, tout compte fait, on peut dire que c'est tout à fait dans la pensée de pas mal d'intellectuels espagnols de l'époque, par exemple. Alors, ce pauvre Ortega, et je vous renvoie aux travaux de Béatrice Funk, et d'autres, Dave Giustiniani aussi. En fait, Ortega, c'est plus complexe parce que quand on regarde La rébellion des masses, son livre de 1929, en fait, la masse chez Ortega, c'est ce qu'il y a d'inerte en chacun de nous. Donc, c'est pas simplement une minorité agissante sur des masses, c'est que chez les aristocrates, il peut y avoir un élément de masse. Donc, en fait, c'est l'inertie. Et lui, Ortega, il réduit les deux, communisme et fascisme. Pour lui, c'est des mouvements d'hommes-masse, donc d'hommes qui sont inertes. C'est ça. Et la masse, chez lui, c'est l'inertie qui est en chacun de nous. C'est très, dit très clairement. Et donc, c'est vrai qu'il a une position élitiste, mais après, à l'époque du franquisme, il ne sera pas du tout en odeur de sainteté. Et vous dites aussi que beaucoup de ces intellectuels font le rapprochement, bon an, mal an, entre socialisme, communisme, fascisme, et voient pas véritablement la différence qu'il peut y avoir dans toutes ces façons d'aborder les questions, en particulier entre le communisme et le fascisme. Oui, alors ce que j'ai constaté, c'est que bien avant Hannah Arendt, on a une formulation du concept de totalitarisme. Alors bien sûr, il y a le concept d'État total qui se forge en Italie, mais il y a assimilation, comme chez Ortega, ou assimilation au regard de la violence de la prise de pouvoir et au regard du rôle de l'État. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est qu'on voit l'effet de miroir que crée la dictature. Le fascisme italien sur cette nouvelle dictature qui s'installe en 1923, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on va penser que ces dictatures sont temporaires et ne sont là que pour remettre de l'ordre finalement dans un monde en dégénérescence. Oui. Donc on ne s'attend pas à ce que ces dictatures durent. Et c'est cela qui va rassurer dans un premier temps et qui va conforter aussi peut-être l'Espagne grâce à ce modèle italien. Mais par ailleurs, on voit aussi à travers votre ouvrage que c'est ce binôme entre fascisme et bolchevisme, socialisme, qui va empêcher finalement l'assimilation du fascisme italien en Espagne. Oui, alors il y a plusieurs éléments qui empêchent cette assimilation. D'une part, donc, il y a ce que vous dites, c'est tout à fait exact. Il y a aussi que, en fait, l'Espagne, elle a sa propre réponse. Et sa propre réponse, donc, c'est lié au rôle de l'armée. C'est-à-dire qu'ils ont une solution militaire. Et les Italiens, c'est une solution de milice civile. Et donc, c'est pas du tout pareil. Donc, ça, c'est une première chose. Ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que l'Église catholique a un poids tel et une influence telle que, alors, le mot résistance, bien sûr, ce n'est pas une résistance au sens de la résistance antifasciste, bien sûr, mais c'est une inertie, pour le coup, une force d'inertie qui va empêcher cette assimilation. Mais parce que vous dites que si l'Église a eu un rôle plus que trouble au moment du franquisme, eh bien, à cette époque-là, elle a un autre rôle vis-à-vis, justement, de cette possibilité d'assimilation du fascisme à l'Espagne. C'est pas incompatible, parce que le franquisme, bon, je ne rentre pas dans le débat franquisme, fascisme, autoritarisme, il y a des éléments des différents régimes, mais que même sous le franquisme, justement, l'une des spécificités du franquisme, c'est ce poids, cette inertie des catholiques. Et que donc, ils ont des points communs. Ils sont pour le corporatisme, ils sont pour, ils appellent ça canaliser les luttes de classe, et ils parlent de luttes de classe, c'est catholique, hein. Eux, à l'époque, on en parlait même du point de vue des catholiques, ils disaient il y a des luttes de classe qu'il faut, on ne peut pas les enlever, d'ailleurs, on peut vous les canaliser. D'ailleurs, vous faites le geste, Emmanuel Peloin, oui, de reprise en main de la société. Non, mais les catholiques, on canalise, et c'est leur idée, évidemment, c'est de canaliser avec quelque chose, un système corporatiste. Et il y a un troisième élément qui empêche cette assimilation, c'est qu'ils ont leur figure justement du chirurgien de fer, hein, qui est spécifique à l'Espagne. C'est une expression de Joaquín Costa, hein, dont la conférence oligarchie et caciquisme comme forme de gouvernement Espagne. Qui désigne Mussolini, chirurgien de fer. Ah non, pas du tout 1900. Oui, ça peut désigner, effectivement, vous avez raison, c'est employé. Et Mussolini et Primo de Rivera, les deux. Voilà, mais c'est celui qui est effectivement appelé, hein, comme Cincinnatus, qui est appelé à revenir à ses champs. Une fois qu'il a accompli son travail citoyen, pour être civique, de remise en ordre, c'est cela. Voilà. Alors, vous expliquez aussi des choses dont on a peu connaissance, c'est combien, par exemple, l'information que peuvent avoir de ce qui se passe en Italie les Espagnols est filtrée par les correspondants de presse espagnols en Italie, mais aussi par ceux qui sont chargés en Italie de surveiller ces correspondants de presse, de faire en sorte que les correspondants étrangers ne donnent pas une mauvaise image de l'Italie à l'extérieur. Et donc, vous expliquez combien le gouvernement italien est sensible et même va faire pression sur ces correspondants étrangers espagnols, sur ces correspondants étrangers, pour que les informations qui sont données dans la presse espagnole soient des informations qui leur soient favorables aux fascistes italiens. Effectivement, j'ai trouvé dans les archives des traces de ces pressions. C'est indéniable. Et ces pressions qui parfois sont répercutées par le gouvernement de Primo de Rivera, puisque j'ai trouvé la trace d'amendes imposées à des journaux défavorables au fascisme italien, au régime italien. Anaïs Kien. Et puis on voit des échanges, il y a des Espagnols qui sont en Italie, qui correspondent avec leur famille ou leur réseau intellectuel. Je pense notamment à Raphaël Mazas qui va entretenir des liens et qui va s'intéresser de très près justement à cette idéologie et à son actualité même. Oui, alors Sánchez Mazas a été un des premiers fascistes espagnols et lui était correspondant du journal monarchiste et catholique ABC en Italie. Et lui, c'est celui qui produit le plus de chroniques, évidemment extrêmement favorables. Et qui défend véritablement un fascisme à l'espagnol. Oui, alors il le dit, et ce sera repris ensuite par le fasciste Jiménez Caballero, que l'Espagne doit trouver sa formule de fascisme. Hein. Mmh. Et évidemment, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette période, c'est parce qu'il y a, comment dire, un creuset qui va après trouver sa concrétisation, justement, après la guerre civile. Et pourquoi 1925 Pourquoi cette date est-elle une date ferme, dites-vous, en particulier auprès des libéraux espagnols, de repoussoir, date repoussoir justement de cet espoir ou de cette possibilité que le fascisme dans ces milieux-là puisse prendre. Vous expliquez ce doux espoir. Ce doux espoir qu'ils avaient à l'époque. Enfin, disons, cette position attentiste qu'ils avaient par rapport au fascisme, ces milieux libéraux espagnols. Vous dites, en partir de 1925, la plupart d'entre eux vont être, pas tous, mais vont être un peu refroidis par Mussolini. Ah, ils vont être refroidis d'abord par le discours du 3 janvier 1925 de Mussolini, dans lequel il dit qu'il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, il y a réforme du système électoral qui assure évidemment des victoires fascistes, et donc les illusions sont de plus en plus timides, hein, qu'on ne peut plus, justement, cette idée d'une dictature temporaire ne peut plus se défendre. Donc le miroir se brise finalement entre, le miroir se brise, entre les deux régimes politiques. Oui, le miroir se brise et disons que se produit, hein, un début de clivage. Il y a encore des illusions qui persistent après, bien sûr, mais disons que le clivage devient plus clair, et la cristallisation interviendra dans la décennie suivante. Et votre travail montre, et vous l'avez déjà un peu dit, Manuel Peloual, combien effectivement, quand on est intellectuel, observateur, informé, pourrait-on dire, eh bien, on a parfois du mal à se détacher d'idées reçues, de visions politiques que l'on s'est données, pour comprendre véritablement, et vous avez cité le mot qu'aime bien utiliser Marc Fayrault, d'aveuglement, pour comprendre véritablement le neuf d'une situation. Et c'est cela qui est intéressant, c'est-à-dire que ces intellectuels espagnols plaquent leur vision du monde sur ce qu'ils voient apparaître en Italie. Or, ce qu'ils voient apparaître en Italie est relativement neuf. Bien, alors oui, ça serait en guise de conclusion que les aveuglements sont le propre, disons, de toute personne qui observe, hein, quel que soit son statut, et que cette thèse peut servir de leçon pour tout le monde, c'est-à-dire de toujours chercher à revenir au texte, déjà à revenir au texte, au document, ça c'est une évidence, et à toujours interroger, remettre en cause, soumettre au doute systématique les prismes, les grilles de lecture, les automatismes de pensée que nous avons tous. Merci à vous, Manuel Peloual. Je rappelle que votre livre, publié dans la petite maison d'édition que je ne connaissais pas, d'Uzès, qui s'appelle Inclinaison, donc on peut trouver son adresse à www.inclinaison.fr, s'intitule « Positionnement politique en temps de crise sur la réception du fascisme italien en Espagne 1922-1929 ». Et donc ça nous permet d'ouvrir cette semaine consacrée à l'histoire des dictatures. Demain, nous avons un documentaire qui nous est proposé par Michel Pomared et réalisé par Gilles Mardi-Rossian, « Vérité sur la dictature brésilienne », car entre 1964 et 1985, le Brésil a connu 21 années de dictature, et aujourd'hui, assez tardivement par rapport au Chili et à l'Argentine, eh bien ce pays tente de revenir sur cette histoire compliquée. C'est ce que raconte le documentaire que vous allez pouvoir écouter demain, même s'il y a effectivement des difficultés pour revenir sur cette histoire, comme le dit Wadi Damous, qui est membre de la commission régionale de la vérité à Rio, dans ce documentaire signé Michel Pomared et Gilles Mardi-Rossian. Un petit extrait aujourd'hui. La Commission nationale de la vérité a fonctionné avec des commissions régionales. Celle de Rio fut dirigée par Wadi Damous, président de la Ligue des droits de l'homme à l'Ordre des avocats brésiliens. Il ne cache pas sa déception par rapport à l'impuissance de la présidente brésilienne. La présidente, elle s'est vue diante. Dilma Rousseff a souffert pendant la dictature. En tant que membre d'un mouvement de la résistance, elle a vécu dans sa chair la barbarie de cette dictature. Après avoir été arrêtée en 1970, elle a été torturée pendant 22 jours. Mais bien des années plus tard, alors qu'elle est élue présidente du pays en 2011, elle a obéi au pacte négocié avec l'armée à la fin des années 70 sur l'impunité des militaires. D'un côté, elle initie cette commission de la vérité, mais d'un autre, elle n'a pas l'audace, ou elle n'arrive pas à obtenir l'ouverture des archives militaires. Muita tristeza e frustração, né? Embora isso seja uma decorrência do nosso processo histórico. À titre personnel, je me sens extrêmement triste et frustré. Como um todo atingida pela parce que la société brésilienne d'aujourd'hui ne se sent pas concernée par la violence des 21 années de dictature. Comment revenir sur 21 années de dictature dans une société qui a beaucoup changé? C'est ce que raconte le documentaire de Michel Pomared et de Gilles Mardi-Rossian avec une prise de son de Benjamin Thuau. Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, entre 9h05 et 10h. Et puis, nous continuerons avec vous, Anaïs Quin, l'émission, la série consacrée donc à cette histoire des dictatures, mercredi. Oui, mercredi, donc pour cette émission d'archives, traditionnellement, c'est une émission avec une archive à double fond. La première étant les images de la télévision qui montrent la dernière tentative de coup d'État intervenue en Espagne en 1981. Le colonel Terrero. Voilà, le fameux colonel Terrero avec son fameux chapeau. Et nous avons invité un réalisateur, donc ça ce sera le deuxième fond finalement de nos archives de mercredi, un réalisateur, Andrea Fontana, qui a essayé de retracer l'histoire de cet opérateur qui a continué à filmer pendant cette tentative de coup d'État et qui nous racontera à quel point il a échoué et commence à transformer finalement complètement son film. Et autour de cette archive à double fond, nous avons également invité deux historiens spécialistes de ces histoires, de ce champ de l'histoire des coups d'État et de l'histoire de la période de transition en Espagne, que sont Sophie Babi et Thomas Trouvé. Et puis jeudi, vous serez avec Victor Massé de l'Épinay. Exactement, pour évoquer une question importante aux yeux de ceux qui ont instauré des dictatures, la question démographique. Comment peut-on faire le lien justement entre dictature et question démographique, puisque beaucoup de ces dictatures ont été obsédées par l'idée d'une perte démographique dans leur propre pays. Ça sera l'émission de jeudi. Je rappelle qu'aujourd'hui, outre l'épisode 17 de La Fabrique de la Guerre Froide, nous avons parlé de l'ouvrage de Guillemette Crouzet, Jeunesse du Moyen-Orient, Je golfe persique à l'âge des impérialismes, publié chez Champvallon, et de l'ouvrage de Manuel Peloual, Positionnement politique en temps de crise, sur la réception du fascisme italien en Espagne entre 1922 et 1929, publié aux éditions Inclinaison. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Clément Berman était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Vous pouvez écouter cette émission pendant 1000 jours. La télécharger pendant un an après sa diffusion et laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.